Radio Campus Lille, 20h. Bonsoir, vous êtes bien sur La Voix sans maître, avec une émission un peu particulière ce soir. Alors, on va faire un bref quelques points d'agenda. La Voix sans maître sur Radio Campus 106.6 FM, bien entendu. Donc, un petit point d'agenda avec ce soir, vendredi 15 mai, à 20h30 au Centre culturel libertaire. Il y a une soirée de soutien aux déboulonneurs inculpés. Du coup, bref introduction, après plus de 9 années d'activisme, les déboulonneurs lillois préparent leur premier procès pour barbouillage et refus d'ADN. Et donc, il y a deux personnes qui sont convoquées le mardi 9 juin à 14h au tribunal correctionnel de Lille. Et donc, il y a des concerts à prix libre en soutien avec le White Horse Band, qui est du rock psychédébile. Il y a Tronch, qui est du déglingocore, et Tang, indie noise post-hardcore. Et alors, une autre petite annonce d'agenda. Donc, ce lundi 18 mai à 18h30, il y aura un rassemblement devant le tribunal de grande instance à Lille. Et c'est un rassemblement qui fait suite à un appel national par rapport à Ziad et Bouna, on n'oublie pas. Donc, pour repréciser un peu brièvement, qui sont Ziad et Bouna, voilà un peu une partie de l'appel. Le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, une dizaine d'adolescents qui sortent du foot sont interpellés par la police et prennent la fuite par peur d'un contrôle. Pris en chasse par plusieurs voitures de la BAC, Ziad et Bouna et Muhitine se réfugient dans un transformateur EDF. 20 minutes plus tard, Ziad et Bouna meurent électrocutés. Muhitine, gravement brûlé, parvient à prévenir les secours. Le 18 mai prochain, la cour d'appel rendra publique sa décision au sujet des deux policiers mis en examen dans cette affaire. Inculpés au départ pour mise en danger délibérée, la justice ne retient plus aujourd'hui que la non-assistance à personne en danger pour les deux seuls policiers mis en cause. Après 10 ans de bataille judiciaire et une relaxe confirmée une première fois en appel, quel que soit le verdict, il ne sera jamais pleinement satisfaisant. Dans de trop nombreux cas, les policiers mis en cause bénéficient d'une impunité judiciaire et sont traités comme des citoyens au-dessus des lois. Insultes, contrôle d'identité abusif, brimades, mutilations, autant de pratiques qui constituent une violence quotidienne. Ali Ziri, Aboubakari Tandia, Mohamed Boukrourou, Lamine Dieng, nous ne parlons pas ici d'incidents ou de bavures, mais d'une violence d'État dont la justice se fait complice. Faut-il s'étonner des révoltes dans les quartiers populaires ? Le 18 mai, nous ne nous tairons pas. Ces combats ne s'arrêtent pas aux portes des palais de justice. Dans la rue, la lutte se construit et la solidarité s'organise. Donc un rassemblement ce lundi 18 mai à 18h30 devant le tribunal de grande instance de Lille. Et du coup, voilà, pour lequel il y a un appel à venir nombreux et pour montrer son soutien et notre détermination. Et après cette brève introduction par agenda, je vais diffuser une émission qui a été réalisée par Radio Zinzine et du coup qui nous parle d'un quartier du Mexico, de la ville de Mexico elle-même, et des luttes un peu qui s'y sont passées. Et ça s'appelle Los Pedregales, un caillou dans la chaussure de Mexico. Une bonne écoute. Et là, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Mettre tout attaché sans accent et herbe folle tout attaché au pluriel. Ce soir, nous vous diffusons une émission trouvée ailleurs. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Radio Zinzine présente Los Pedregales, un caillou dans la chaussure de Mexico. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército. somos imbéciles. Lors de notre voyage au Mexique, nous avons passé une dizaine de jours dans le quartier Los Pedregales. Los Pedregales signifie terrain pierreux ou un pierrier. C'est un quartier de 100 000 habitants environ, issu d'une lutte populaire. C'est un quartier qui a toujours été plutôt subversif. Encore aujourd'hui, la grande majorité des habitants ne payent pas l'électricité et s'auto-organisent pour empêcher la Compagnie fédérale d'électricité, la CFE, de venir couper l'électricité des habitants. Où ils s'organisent, ces habitants, habitantes, pour que la CFE rétablisse le courant. Nous allons commencer cette émission en écoutant tout d'abord Lucia et Roberto, deux jeunes habitants de Los Pedregales, impliqués dans un collectif qui a organisé la solidarité des habitants, habitantes des Pedregales en faveur d'Ayotzinapa. Ayotzinapa, je vous rappelle, c'est cette histoire de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa dans le Guerrero, portés disparus depuis le 26 septembre lors d'une mobilisation. Ils ont été attaqués par la police. Cela a fait 6 morts, dont 3 étudiants de l'école normale, 3 personnes en dommages collatéraux en quelque sorte, 25 blessés, dont un en coma dépassé. La disparition de ces 43 étudiants, ainsi que la mort de leurs camarades, a généré un grand mouvement de solidarité, y compris dans ce quartier de Los Pedregales, situé au sud de Mexico City, dans l'arrondissement de Coyoacán, tout à côté de l'Université nationale autonome du Mexique, la fameuse UNAM. Dans la deuxième partie de l'émission, nous écouterons Doña Fili. Doña Fili est une figure du quartier de Los Pedregales, une des fondatrices de ce quartier. Et nous écouterons l'enregistrement réalisé lors d'un meeting le 17 décembre 2014 dans les Pedregales suite à une manifestation en faveur d'Ayotzinapa. Mais commençons d'abord par l'histoire des Pedregales avec Roberto et Lucia. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. En 1971, el presidente Luis Echeverría lanzó un decreto que decía que los terrenos que no estaban ocupados podían utilizarse. Entonces, en 71, le président Echeverría a fait un décret comme quoi les terrains qui n'étaient pas occupés pouvaient être utilisés. Ainsi. Y entonces mucha gente de distintos estados del país fue a algunas partes de la ciudad que no estaban ocupadas, no estaban habitadas. Una fue el Pedregal de Santo Domingo. Entonces, bueno, ahí llegaron principalmente de Puebla, de Oaxaca, de Michoacán, pues gente pobre que tenía la necesidad de trabajar y ¿sí qué es? Et donc, suite à ça, il y a des gens de tout le Mexique qui sont venus pour aller dans des endroits qui n'étaient pas encore utilisés sur Mexico. Et là, sur les Pedregales de Santo Domingo, c'est principalement des gens de Puebla, Oaxaca, Michoacán, des gens pauvres qui venaient chercher du travail et vivre. Para que se den una idea, el Pedregal está lleno de piedra, ¿no? O sea, era del volcán Xitle que hizo erupción y ahí eran los restos y había serpientes, muchos animales. Era un lugar que solo se pensaba para los chivos, ¿no? Para pastar, no para vivir, porque era muy... ¿Chivos, pastar? Como ovejas, ah, así. Sí, vale. Sí, ya. Pour se donner une idée sur le quartier, là, c'était rempli de pierres, de lave. Il y avait eu l'éruption du volcan Chiclé qui a fait comme ça toute cette lave cristallisée après. Et donc, il y avait des serpents, plein d'animaux, et c'était assez difficile. Et on pouvait s'imaginer uniquement pour faire pâturer les brebis ou les chèvres. Santo Domingo está al sur de la Ciudad de México. Entonces, pues la gente que llegó se empezó a organizar para buscar la vivienda, que era una de las demandas, ¿no?, que necesitaban. Y se empezaron a organizar un poco por zonas, por los estados de donde venían, y retomando las tradiciones de organización que traían de sus pueblos, ¿no?, como el tequio, como pues organizaciones por asambleas, horizontales. No había pues un partido, un gobierno que dijera qué hacer, sino que ellos mismos se organizaban como se habían organizado en sus pueblos de origen. Les gens qui sont venus là pour essayer de trouver des moyens de vie sont venus avec leur culture et leur tradition de leur communauté, de leur peuple avant. Donc que ce soit le tekyo qui est cette tâche collective pour le travail collectif, l'organisation en assemblée horizontale, pour se mettre ensemble, et il n'y avait pas ni de parti ni de gouvernement sur cette zone. Ah oui, j'ai oublié de dire que cette zone est au sud de la ville de Mexico. Y cuando el gobierno y algunas empresas constructoras empezaron a ver el trabajo, lo que podía generar, que podían transformar esos espacios, empezaron a codiciarlos. Entonces ya querían que devolvieran las tierras para ellos construir casas y venderlas. Et quand le gouvernement et les entreprises ont vu ce qui était possible de faire au travers du travail collectif et qu'en fait il y avait possibilité de rentabiliser ces terrains, ils ont commencé à penser de dire aux gens de partir, de rendre les terrains pour pouvoir construire eux pour eux et pour faire de la thune. Esos trabajos los hacían mucho las mujeres, porque los hombres que habían llegado para buscar trabajo en la ciudad se iban a trabajar, entonces quedaban las mujeres y los niños, y hacían los tequios con palos, que le llaman aguantaderas, los niños con botecitos, llenaban tierra para construir las casas. Entonces principalmente fueron las mujeres y los niños quienes construyeron la colonia. Y bueno, esta codicia del gobierno, de las empresas, pues empezaron a hostigarlos, ¿no?, y también ellos tenían que defenderse. Et donc, en fait, la construction du quartier a été beaucoup faite par les femmes, parce que les hommes allaient travailler, et donc c'était les femmes qui restaient avec les enfants et qui chargeaient la terre avec un balancier. Les enfants avec des petites bouteilles qui chargeaient la terre, et que quand le gouvernement et les entreprises ont voulu reprendre les terrains, ont commencé à les chercher, à les emmerder, elles ont été obligées de se défendre. Tu n'assistais à rien? Non. Est-ce que tu es né là-bas? Non. La colonia Santo Domingo está muy cerca de la ciudad universitaria, que es la universidad más grande de México. Donc le quartier Santo Domingo se retrouve très près de la cité universitaire, de la UNAM, l'Université Nationale Autonome du Mexique, qui est l'université ou le centre universitaire le plus grand du Mexique. Es muy cercana al barrio muy conocido que se llama Coyoacán. C'est très proche du quartier est plus connu, qui s'appelle Coyoacán. En quelle année a été créée l'université? Es anterior, la création de l'université fue anterior à la llegada de la gente a la colonia. Donc en tout cas, ce qui est clair, alors c'est pas clair quand est-ce que ça a été construit, la cité universitaire, mais ce qui est clair, c'est qu'elle a été construite avant l'arrivée des gens sur le quartier. Sí, lo que tenemos que imaginar aquí es que se encontraron con un territorio difícil para vivir, para construir, donde no se podía cultivar, y entonces la gente tuvo que transformar el territorio. Et donc les gens sont arrivés sur un terrain très dur, très difficile, où il n'y avait pas de possibilité de faire d'agriculture ou de cultiver. Donc il y a eu tout un travail pour essayer de transformer le terrain, la terre. Bueno, y gente que ayudó a hacer esta organización fueron las comunidades eclesiales de base, que son organizaciones cercanas a la Iglesia Católica, pero con la postura de la teología de la liberación, esta iglesia que apoya la construcción del pueblo y de las demandas del pueblo, y eso fue lo que posibilitó también la organización de la gente. Cette transformation des terrains a été possible grâce aux communautés ecclésiastiques de base, qui sont des communautés qui appartiennent à l'Église catholique, mais qui sont proches de la théologie de la libération de Paulo Freire. Et que c'est donc toute cette dynamique ecclésiastique aussi qui a appuyé et soutenu la transformation des terrains. Otros grupos que ayudaron fueron organizaciones, por ejemplo, de la universidad, de estudiantes, organizaciones políticas que llegaron a apoyar las demandas de la gente y cuentan una historia muy interesante, que es que en el centro de la colonia se construyó una escuela que se llama Escuela de Artes Oficios Emiliano Zapata. Y dicen que para construir esa escuela, cada familia dio un ladrillo. Pour construire cette école. Donc après il y a eu aussi d'autres les étudiants et d'autres groupes politiques qui sont venus pour aider à construire et à transformer les terrains. Et une histoire assez intéressante, une anecdote, c'est que au centre de du quartier Santo Domingo, il y a l'école Escuela Arte y Officios, donc l'école d'art et des bureaux Emiliano Zapata. Et ce qui est dit, c'est que pour construire cette école, chaque famille a amené une brique pour construire l'immeuble, l'édifice. Esta es una idea de la solidaridad que se da mucho entre los pueblos indígenas todavía, que ven la necesidad de hacer el trabajo colectivo para apoyar el bienestar colectivo. C'est un exemple sur comment se passe la solidarité au sein des peuples indigènes où il y a un appui mutuel pour le bien-être collectif. Et la gente de la colonia también respondió a esa solidaridad en los años 80 porque mucha gente del Salvador y Nicaragua, sobre todo, llegaron a pedir refugio a la colonia y por medio de la iglesia y de otras organizaciones políticas llegaron a pedir asilo y muchas familias que no tenían una reivindicación política pero tenían la idea de solidaridad con los pueblos recibieron durante 1, 2 o 3 años a la gente que vino refugiada de El Salvador y que luego pudo regresar a su país o fueron a otros países. Et donc un autre exemple de cette solidarité de base et concrète, aussi avec d'autres groupes politiques et d'autres groupes de soutien, y compris religieux ou autour de l'Église, c'est l'accueil des réfugiés du Salvador et du Nicaragua. C'est des gens qui n'étaient pas forcément politisés, mais qui ont ancré en eux une solidarité populaire, et donc ils ont pu accueillir comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans des gens pour et qui demandaient l'asile politique et ils les ont accueillis pendant comme ça ça a pu être sur quelques années jusqu'à ce qu'ils puissent soit retourner dans leur pays soit pouvoir aller dans un autre pays sur une autre situation. Est-ce que les communautés du Salvador ou du Nicaragua sont encore présentes sur le quartier? Ya no hay gente que vive en la colonia, pero sí hay contactos con la gente que llegó refugiada. Entonces, si ustedes recuerdan, en los años 80 se estaban dando las guerras de liberación en Nicaragua, en El Salvador y en otras partes, y muchos tuvieron que salir refugiados a Francia, a Canadá. Entonces, cuando pasaron por México, México les dio la posibilidad de poder ir a Canadá a pedir refugio político, porque en México no se tenía contemplada esa posibilidad, por la hipocresía del gobierno mexicano, que por un lado impulsaba o trataba de hacer los acuerdos de paz, pero la guerra interna que México estaba haciendo contra la guerrilla no permitía apoyar otros movimientos guerrilleros. No, là, il reste quasiment plus de réfugiés ou des gens issus des réfugiés salvadoriens ou nicaragüenses. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que donc dans les années 80, il y avait les guérillas de libération nationale au Salvador et au Nicaragua, et que en fait le le Mexique a accepté que les gens viennent d'une certaine manière en transit au Mexique pour après aller demander l'asile politique au Canada, en Europe, en France, où que ce soit. Et en fait, c'était pas possible au Mexique de recevoir l'asile politique parce que d'un côté, ils appuyaient officiellement à l'extérieur certains mouvements de libération, c'est ce qu'ils disaient. Donc il y avait une grosse hypocrisie du gouvernement. Ils disaient qu'ils pouvaient soutenir comme ça les réfugiés ou ce qui se passait dans certains pays, mais comme ils étaient en guerre interne contre les guérillas internes au Mexique qui existaient, ça fait que c'était pas, ils pouvaient pas accepter de soutenir directement d'autres guérillas. C'était trop dangereux pour le gouvernement. Y bueno, esta es parte de la historia de la construcción de por qué la colonia Santo Domingo es tan importante en la Ciudad de México. Hay una organización, hay una historia de organización autónoma, autogestiva, que recupera y podría ser la tradición anarquista, aunque mucha de la gente no es propiamente anarquista, sino que más bien trae la tradición de la organización indígena, pero que mucha de ella parte de principios anarquistas, lo que posibilita otro tipo de organización. Ce qui donne cette particularité donc du quartier de Santo Domingo et une importance aussi très très grande de ce quartier au sein du DF, parce que il y a cette tradition de l'auto-organisation, de forme d'organisation autogestionnaire qui se rapproche des principes anarchistes, même si les gens ne se disent pas anarchistes, ça passe plus au travers de la tradition autogestionnaire des peuples indigènes et qui restent présentes ici. Solo un dato que creo que ya no lo sigue siendo, pero hasta hace varios años parece que era de las ocupaciones de tierra más grande de América Latina, ¿no? O sea, para que se den una idea de la cantidad de gente y bueno, que eso fue creciendo. Donc simplement un petit chiffre comme ça, maintenant c'est pas encore, sur maintenant c'est peut-être plus très clair, mais en tous les cas pendant très longtemps le quartier Santo Domingo a été l'occupation de terre la plus massive et la plus grande d'Amérique latine, pour que vous vous donniez un peu une idée quand on voit les grosses occupations massives, ça c'est moi qui le rajoute, qui peut exister en Amérique latine. Esta historia lo que recupera y lo que posibilitó fue que la colonia, muchas de los vecinos y vecinas apoyaran el movimiento zapatista cuando en el 94 se levantaron en armas los compañeros zapatistas. También apoyaron en su momento la huelga de la UNAM, de la universidad, que en 99-2000, que muchos de los estudiantes pues eran parte de la colonia, mucha gente de la colonia trabaja en la universidad, y entonces fue uno de las colonias que más apoyaron el movimiento estudiantil de la huelga en la universidad, y también apoyaron otros movimientos como el de Oaxaca, de la APO, en el 2006, también se apoyó la otra campaña en el 2006, entonces hay una tradición de lucha y de resistencia en esta colonia, y que ahora uno de los problemas que hemos tenido es que han llegado los partidos políticos de derecha, de izquierda, a dividir la organización comunitaria. Et donc en fait cette tradition récupérée et l'histoire en fait qu'il y a sur Santo Domingo fait que c'est un quartier traditionnellement de lutte très fort. Ils ont pu soutenir aussi bien le soulèvement zapatiste en 94, quand voilà les camarades de l'armée zapatiste se sont soulevés, ou la grève de la UNAM en 99-2000, aussi bien que l'APO, l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca, en 2006. Mais maintenant, il y a un des problèmes qui existe et qui s'affronte avec cette tradition de lutte, c'est l'arrivée des partis politiques. Il y a des partis politiques de droite ou de gauche qui sont arrivés et qui se mettent maintenant en fait à diviser les gens et qui s'affrontent donc à cette tradition de lutte. Bueno, y entonces lo que esta historia la tratamos de recuperar, sobre todo la memoria de lucha de las abuelas de la colonia, que ellas recuerdan cuando llegaron a organizarse, y por eso ven la necesidad de apoyar en este momento la demanda de justicia de la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. Nosotros nos organizamos en un colectivo amplio, es una coordinación de distintas organizaciones, vecinos y vecinas, que no tienen una identidad partidista, sino más bien cada uno de nosotros tiene, hay comunidades eclesiales de base, hay gente que tiene una vinculación al zapatismo o a otras luchas, y vimos la necesidad de organizarnos para demandar justicia y hacer difusión y un acto político con los padres de familia de Ayotzinapa en la colonia, que es parte de las actividades. Et donc en fait, il y a un truc que j'ai oublié, c'est que aussi ce quartier avait appuyé l'autre campagne en 2006. Pour récupérer toute cette histoire et cette tradition de lutte, ils sont allés voir les grands-mères qui sont encore présentes dans le quartier pour qu'elles leur racontent et qu'elles transmettent comment elles s'organisaient dans le quartier. Et au travers de ça, quand il y a eu l'histoire d'Ayotzinapa, ça a commencé à ce qu'il y ait un regroupement qui n'est pas affilié à un parti politique. Il y a différents collectifs ou associations qui sont dedans, qui peuvent être des gens proches du zapatisme ou d'autres choses comme ça, mais en tous les cas aucun lien avec les partis politiques, et que ce regroupement, le fait d'avoir ce regroupement, c'est ce qui a fait qu'ils ont voulu faire un acte, et c'est ce qui a donc amené à l'organisation de la manifestation pour la présentation en vie des 43 disparus de l'école d'Ayotzinapa. Peut-être parler des problèmes de la colonie. Uno de los problemas mayores que tenemos ahora en las colonias, en la Ciudad de México y en general en el país, es la llegada del narcotráfico. Un des problèmes le plus grand qu'on a dans le quartier, mais aussi sur la ville de Mexico ou dans le pays, c'est l'arrivée des narcotrafiquants. El narcotráfico ya existía antes, pero ahora empieza a avanzar territorios y a ocupar a los niños como parte de su organización, a los jóvenes, que les da una alternativa inmediata económica, pero que el dinero es a cambio de muerte y de... Donc, en fait, le narcotrafic existait déjà avant, mais là, il est arrivé, en fait, sur des territoires où il s'approprie d'une certaine manière, en particulier les enfants, où il leur donne la possibilité de gagner de l'argent très rapidement, donc une alternative économique, mais cet argent se fait en échange de mort. Y bueno, esta realidad es algo que se está profundizando en muchos de los lugares de las colonias en la ciudad, y que la gente está reaccionando a esto y se están organizando. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de quartiers de la ville de manière assez forte. Et en fait, les gens se mettent à réagir et commencent à s'organiser pour réagir face à ça. Se están organizando por cuadras, por manzanas, contra la violencia. Entonces, cuelgan mantas en la calle donde anuncian que cualquier persona que vaya a hacer violencia va a ser capturada y se le va a hacer justicia. Et donc, en fait, les gens s'organisent par îlot, par quadra, par... Bloc. Merci. Gracias. Et ils mettent comme ça des affiches, donc ils s'organisent contre la violence, et ils peuvent mettre des affiches que si n'importe quelle personne sera violente sera capturée et il sera fait justice. Sí, también hay un tipo de organización que se ha ido perdiendo, que es como de la vida cotidiana. O sea, en Santo Domingo tú vas por las calles y cuando hay una fiesta cierran la calle y no, y hay una fiesta que es como para todos, ¿no? Entonces eso cada vez sí ha ido menos, y también el gobierno ha ido cambiando como regulaciones de que no se puede cerrar la calle, pero aún así hay partes y la gente lo sigue haciendo como una cotidianidad. Entonces, creo que eso es parte también de lo que posibilita cierta... respuesta de la gente, cierta organización, que hay una vida cotidiana que tiene un cierto grado de comunalidad, de salir a la calle. Ahí no se camina en la banqueta, caminas abajo, ¿no? Sí. Et donc il y a une autre chose qui est en train de se baisser, de diminuer, c'est autour de la vie quotidienne. Avant il y avait vraiment la tradition au niveau de la vie quotidienne de bloquer la rue, de faire la fête dans la rue et quiconque passait pouvait participer à cette fête-là, ce qui maintenant se fait toujours de moins en moins. Alors il y a des gens qui continuent à le faire, mais c'est quand même un danger aussi parce que le gouvernement ou les partis ont essayé de mettre ça à peu près en bon ordre. Donc il y a des gens qui continuent à le faire, mais ça a quand même pas mal baissé et que c'est un danger parce que c'est aussi là où se font les liens au travers de la vie quotidienne, en particulier dans le coin. Tu marches pas sur les trottoirs, mais tu marches au milieu de la route. Ça me surprend ce que tu dis parce que quand nous on est arrivés, bon, ok, c'est la période des posadas, donc tout se décompte avant Noël, mais on a vu la route fermée tout le temps de partout. Bueno, el último punto es la, ¿cómo lo llamaron ayer? El aburguesamiento de las colonias. Esta es una colonia popular que le llaman identificación, y lo que está pasando ahora con esta colonia es que lo que busca el gobierno junto con las inmobiliarias es expulsar a la gente pobre de esas colonias para construir departamentos, casas de lujo, y esa es la lucha que dentro de pocos años vamos a empezar a dar, porque ya hay proyectos para correr a la gente de esos lugares. Et donc, pour terminer, maintenant, aussi un risque qu'on est en train d'affronter, c'est l'embourgeoisement du quartier, la gentrification du quartier, parce que, voilà, le gouvernement, les entreprises veulent construire des belles maisons, des maisons de luxe, et virer les pauvres du quartier. Et ça commence à se sentir. Donc, ça va être une lutte qu'on va commencer à mener, qui sera sur les prochaines années. Bueno, Lucia, Rodrigo, muchas gracias. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6 MHz et vous écoutez La Voix sans maître. Jusqu'à 21h, nous vous diffusons une émission Trouvée ailleurs. Bonne écoute. Gracias. Escucha, escucha, escucha. Yo. Ha llegado a un lugar que nunca pudiste imaginar. Su nombre es Santo Domingo el Pedregal. Un lugar donde gente ha de morir. Desde aquí solo es sobrevivir. Delincuencia y corrupción como una ocupación de Latinoamérica. Fue la más grande invasión del Pedregal en Coyoacán, el mero centro del Distrito Federal. Y aquí ya lo ven, va con fe. Donde aquí nace el nivel y sube más, donde estarán, ven a buscar. Pues el chino preguntaba a mí que me va a tocar. Yo quiero ser el presidente de este dicho Pedregal, por ayudar a empezar con la comunidad, con Don Lucas a planar, a formar y a diseñar calle por calle, casa por casa. Buenos momentos, tanto 8 aquí se pasan. Pasan de los 80, fue formada la 90. De drogas a que ventas, personas tan violentas, golpeando policías de gobierno de mota. Estoy enfermo, ya no duermo ni concuerdo, como un niño callejero recorriendo estas calles. ¿Crees que ya no hay nadie? A las 2 de la mañana, delincuencia organizada, más aparte, bien armada. Por el metro CU me mantiene seguir vivo, solamente en mi actitud. Mi actitud, Randa Fire Crew. Santo Domingo el Pedregal es mi hogar. Santo Domingo el Pedregal, ¿dónde más? Santo Domingo el Pedregal es el lugar en el Distrito Federal, ubicado en Coyoacán. Santo Domingo el Pedregal es mi hogar. Santo Domingo el Pedregal, ¿dónde más? Santo Domingo el Pedregal es el lugar en el Distrito Federal, ubicado en Coyoacán. Bien, sí. Esta es una de las miles de historias que pueden ser contadas, pero no todas cuentan lo que deben, sino lo que ellos quieren. de lo primero, don Fernando, contándonos historias en derrotas o victorias, pero siempre con euforia, en mis satisfactorias. A ver, con esto yo no miento, en mi lugar de nacimiento, las lavas de cimiento y las casas de cemento, que nos remodelaron de polines y de lámina, ya se acabaron, las escuelas nos formaron, primaria y secundaria está en nuestra vida diaria, está en nuestra área de los niños su futuro. Sigo muy puro, sin meterme en apuros, y hay puros ignorantes que olvidan sus raíces. ¿Por qué? Por falta de cultura, de lectura y sabiduría de altura. Tenemos ya un libro contando anécdotas, y ¿dónde estás? Pues viendo también nuestro documental por nuestro centro cultural, Escuelita Emiliano Zapata. Pero hay que seguir con la tierra para vivir y libertad para construir. Es el lema de aquí, se los comparte este MC, y en sí se comenta que fue un día 1 de septiembre de 1971. No recuerdas a qué horas se empezaron a invadir, pero se empezaron a repartir y a dividir las secciones de terreno, retando, golpeando, escupiendo hasta veneno para defenderse de todos los comuneros. Era tierra inhóspita que limitas y te quitas. Para nosotros era muy rica la herencia de mis hijos y mis nietos. Por haber vivido aquí me siento muy contento. Santo Domingo el Pedregal es mi hogar. Santo Domingo el Pedregal, ¿dónde más? Santo Domingo el Pedregal es el lugar en el Distrito Federal, ubicado en Coyoacán. Santo Domingo el Pedregal es mi hogar. Santo Domingo el Pedregal, ¿dónde más? Santo Domingo el Pedregal es el lugar en el Distrito Federal, ubicado en Coyoacán. Yeah, y esta es la historia que yo me sé acerca de mi colonia, porque aquí nací, aquí crecí y aquí quiero morir, ¿ven? Santo Domingo el Pedregal es mi hogar. Santo Domingo el Pedregal, ¿dónde más? Santo Domingo el Pedregal es el lugar en el Distrito Federal, ubicado en Coyoacán. Santo Domingo el Pedregal es mi hogar. Santo Domingo el Pedregal, ¿dónde más? Santo Domingo el Pedregal es el lugar en el Distrito Federal, ubicado en Coyoacán. Le 17 décembre 2014, une manifestation était organisée dans le quartier des Pedregales pour soutenir Ayotzinapa et dénoncer le rôle de l'État. Cette manifestation était assez impressionnante. Nous, ça faisait maintenant quasiment une semaine que nous vivions dans le quartier et il était intéressant de voir comment l'ambiance changeait entre la vie quotidienne et un moment de mobilisation populaire. Cette manifestation est une des rares à laquelle j'ai eu l'occasion de participer qui fonctionne comme but premier d'une manifestation. Quelque part, on aimerait toujours que les manifestations agrègent les personnes qui regardent passer les manifestants. Et cette fois-ci, ça a marché. Nous avons commencé, nous n'étions pas très très nombreux, 100, 150. Et à la fin, nous sommes arrivés devant l'église, nous devions être plus de 500. Les gens se sont joints à cette manifestation en la voyant passer. Ceci était assez enthousiasmant. La manifestation s'est terminée, assez traditionnellement, par des prises de parole. Les prises de parole ont été celles des parents et amis des disparus d'Ayotzinapa, mais aussi le curé de l'église qui est plutôt proche, sans doute, de la théologie de la libération. Mais ces prises de parole ont commencé par Doña Fili. Doña Fili, une des fondatrices du quartier de Los Pedregales. Écoutons-la et écoutons la symbolique et la solidarité qu'elle exprime au nom de Los Pedregales. Para la bienvenida, la compañera Doña Fili, compañera vecina, compañera de larga trayectoria de lucha, va a dar las palabras de bienvenida. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Parce qu'ils les ont emmenés vivants, nous voulons les retrouver vivants. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Bienvenido a Ayotzinapa. En nombre de todos los pedregales, les damos un fraterno abrazo. Bienvenidos, hermanos, nos unimos pues a este dolor que nos han causado. Au nom de tous les pédrégales, nous vous donnons une embrassade fraternelle. Bienvenue, frères, nous nous unissons à cette douleur qui nous a fatigués, qui est un message pour blesser tout notre peuple. Ici, au Pédrégales, nous connaissons les écoles normales. Nous savons que les normaliens sont des étudiants, mais avec une pensée libre. C'est pour ça qu'ils ont voulu fermer les écoles normales. Et les puissants et leurs moyens de communication voulaient qu'on oublie le 2 octobre. Siempre han querido que olvidemos el 2 de octubre, el 10 de junio, la lucha de aquel gran profesor Lucio Cabañas. ¡Viva! ¡Viva el profesor Lucio Cabañas! Querían que olvidáramos también la masacre de Aguas Blancas, del Charco, de Acteal, y una infinidad de masacres, entre ellas la de Tlatlaya, más el despojo. Ils ont toujours voulu qu'on oublie le 2 octobre, le 10 juin, et la lutte du grand professeur Lucio Cabañas. Viva Lucio Cabañas, vive le professeur Lucio Cabañas. Ils voulaient aussi qu'on oublie le massacre d'Aguas Blancas, le massacre du Charco, d'Acteal, et une infinité de massacres. Entre autres aussi celui de Tlatlaya. Ici, nous sommes obligés de faire une note de bas de page, car Doña Fili donne beaucoup de références historiques de l'histoire du Mexique récente. À tout seigneur, tout honneur, commençons par Lucio Cabañas. Lucio Cabañas était un instituteur qui a été formé dans l'école normale rurale d'Ayotzinapa, dans l'état du Guerrero. En 67, il organise à Atoyac une manifestation qui est durement réprimée par la police. À ce moment-là, il part dans la Sierra et développe une guérilla, la guérilla du Parti de los Pobres, le Parti des Pauvres. Cette guérilla justifiera, avec d'autres précédentes, la guerre sale dans l'état du Guerrero, menée par l'état mexicain. Exécution sommaire, disparition, terreur, était le quotidien des paysans du Guerrero. Lucio Cabañas a été abattu le 2 décembre 1974. Un ouvrage de Carlos Montemayor, intitulé « La guerre au paradis », est paru aux éditions Gallimard en 1999, retrace l'histoire de la guérilla de Lucio Cabañas. Doña Fili parle du massacre du 2 octobre. C'était le 2 octobre 68, le massacre de Tlatelolco, ou de la place des Trois Cultures. Des civils armés ainsi que l'armée elle-même ont tiré sur un meeting étudiant. Les chiffres officiels parlent de 300 morts, d'autres sources parlent de 1000 à 1500 morts. C'est ce qui a mis fin à l'énorme mouvement étudiant de 68 au Mexique, qui s'est terminé donc par ce massacre à une dizaine de jours avant les Jeux olympiques qui étaient les premiers Jeux olympiques organisés dans un pays du tiers-monde. Doña Fili parle du 10 juin 71. Le 10 juin 71, on est dans un moment soi-disant d'ouverture démocratique, après le massacre donc du 2 octobre 68, où le président Echevarria a annoncé des réformes démocratiques. Les leaders étudiants de 68 qui étaient encore en prison sont libérés et il y a un certain retour de l'activisme politique étudiant. Une mobilisation commence dans l'état du Nouveau León, à l'université de Monterrey. Cette mobilisation trouve un écho très rapidement dans l'Université nationale autonome, la UNAM de Mexico, ainsi que l'IPN, l'Institut polytechnique national. Une manifestation en soutien à l'Université de Monterrey est organisée le 10 juin 71 à Mexico. Un groupe paramilitaire, appelé les Faucons, commence à attaquer la manifestation, d'abord uniquement, entre guillemets, avec des barres de fer ou des bâtons. Les étudiants se défendent. Le groupe paramilitaire revient avec des armes à feu. Bilan, 120 morts. Les paramilitaires sont aussi allés à l'hôpital terroriser les blessés. Ensuite, Doña Fili évoque Aguas Blancas. Aguas Blancas est un massacre qui a eu lieu le 28 juin 1995 à Coyuca de Benitez, dans la vallée d'Aguas Blancas, dans l'état du Guerrero. Les policiers mexicains tendent un guet-apens à un bus rempli de militants de l'Organisation Paysanne Socialiste du Sud. Bilan, 17 morts, 21 blessés. Suite au massacre d'Aguas Blancas, une guérilla surgira dans le Guerrero, l'armée populaire révolutionnaire, EPR. Dunia Fili parle d'Acteal. Ce massacre a eu lieu le 22 décembre 1997. Dans une communauté Tzotzil, au Chiapas, 45 indigènes, principalement des femmes et des enfants, qui étaient en train de prier dans une église, ont été massacrés par des paramilitaires. La cause de ce massacre était pour l'État de justifier une intervention contre les communautés zapatistes en faisant croire à un conflit interethnique ou intercommunautaire qui avait dégénéré entre les communautés zapatistes et des communautés non zapatistes. Ceci n'a pas fonctionné. Néanmoins, le massacre d'Acteal a fait 45 morts. El Charco est aussi cité. La communauté d'El Charco a été attaquée le 7 juin 1998. C'est une communauté indigène dans le Guerrero aussi, et l'école a été encerclée par l'armée quand il y avait encore une quarantaine de personnes qui dormaient à l'intérieur. On soupçonnait une partie de ces personnes d'appartenir à l'armée révolutionnaire du peuple insurgé, le RPI. Bilan, 11 morts, 22 survivants qui ont été détenus se sont retrouvés en tôle. Et pour terminer, on parle du massacre de Tlatlaya. Celui-ci est plus récent. Il a eu lieu le 30 juin 2014 dans l'État de Mexico. L'armée mexicaine, dans un soi-disant affrontement avec des présumés délinquants, a fait 22 morts. Tout laisse supposer que les 22 personnes ont été exécutées. Y una infinidad de masacres, entre ellas la de Tlatlaya. Et une infinité de massacres, entre autres aussi celui de Tlatlaya, en plus de la spoliation des terres et de l'eau. Chaque jour, nous nous réveillons avec plus de choses, mais aussi avec la spoliation de la terre, de l'eau, et avec eux aussi qui vendent toutes les richesses du pays. Et nous, nous sommes fatigués. Nous sommes très fatigués du fait que la marine, l'armée, les policiers protègent ce gouvernement criminel. Protejan a este gobierno criminal que tenemos. Y porque lo hemos permitido, quizás estábamos dormidos. Mais pourquoi l'avons-nous permis? Pourquoi l'avons-nous laissé faire? Peut-être était-ce parce que nous dormions. Mais enfin, Ayotzinapa nous a réveillés. Nous a réveillés comme pays et nous ne pouvons plus permettre autant d'injustices. Aujourd'hui, nous avons un engagement très fort. L'engagement de continuer à lutter pour la liberté, pour la justice et pour le plus grand d'un peuple, la dignité. Et c'est pour ça qu'on s'unit depuis notre cœur, notre très grand cœur, notre cœur de toute une vie pour Ayotzinapa. Il y a une phrase qui dit que quand nous ne parlons pas, les pierres parlent. Et ici, nous parlons nous, mais nos pierres parlent aussi. Parce que nous aimons notre pierrier, nos pédregales, parce que nous aimons nos pierres. On aime nos pédregales et on aime Ayotzinapa. Et si un veut ce que l'autre veut et ce que nous avons obtenu grâce au grand effort de ceux qui ont décidé de venir ici et qui nous ont donné ce lieu qu'on va défendre parce qu'on ne va pas accepter les travaux. Parce que les pédregales sont pour nous, pour la génération suivante. Et sont pour les frères qui nous ont visités, parce que les écoles normales, rurales, ont toujours été présentes dans les luttes populaires. Et de lo que más queremos, entregamos una piedra como es nuestra costumbre aquí en los pedregales. Et ce qu'on veut le plus, c'est d'offrir une pierre, comme c'est la coutume ici dans nos pedregales. À l'ennemi, on lui jette des pierres. Mais quand ce sont des amis, on la transforme en pierre précieuse. Au nom de tous, des hommes, des femmes et des enfants des pedregales et des enfants à venir, parce que nos enfants doivent connaître l'histoire. Parce que les enfants qui vont naître, le gouvernement est en train de leur préparer une dette. Et quand ils vont naître, ils vont déjà devoir de l'argent, peut-être l'argent de cette maison, la Maison Blanche. Et si ça se trouve, les enfants qui vont naître n'auront même pas où vivre, où se loger. Deuxième note de bas de page. La Maison-Blanche est un scandale de corruption qui est apparu à la fin de l'année au Mexique. Le président, Enrique Peña Nieto, a reçu par le biais de sa femme une maison de luxe appelée la Maison-Blanche, car elle est toute blanche, à un prix défiant toute concurrence, et ça a été donné par un grand industriel qui, comme par hasard, a reçu le marché de la ligne à grande vitesse pour le train Mexico-Querétaro. Mais ils vont avoir une dette. Et avec ça, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ce gouvernement et nous le rejetons. Parce qu'il n'est pas possible, il n'est plus possible de tolérer autant d'injustices. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris. On a vu comment le prix des aliments a augmenté. Le plus nécessaire, le plus basique a augmenté. Et c'est pour ça que nous ne devons plus tolérer ceci. Donc au nom de tout ceci et aussi au nom de tout le peuple travailleur, parce que aussi le gouvernement nous a accusés. Ils nous ont dit que nous sommes des délinquants, que nous sommes accros à la drogue. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des opérations avec la police anti-émeute. Mais comment on peut être lâche? Comment on peut être délinquant? Les délinquants, ce sont d'autres. Regardez comment est Santo Domingo, comment sont les Pedregales, avec tellement de gens, tellement travailleurs que ici, la nuit, il y a des tortillas. Comment on peut dire délinquant à tout un peuple? Et pourtant, ils nous appellent délinquants. Il y a tellement de choses à changer. Mais jamais le gouvernement ne va le faire. Mais jamais le gouvernement ne va compatir pour nous. Il faut que nous le fassions nous-mêmes. Et il faut continuer à lutter. Pour la vie, pas pour la mort. Pour la vie, pour la justice. Et je vais le répéter, pour le plus grand, pour le plus fort, c'est la dignité. Et avec beaucoup de tendresse, nous remettons cette pierre qui vient d'où on a fondé nos quartiers, nos maisons. Et on aime nos maisons, on aime nos pedregales, on aime notre pays. Et on aime beaucoup notre pays, mais notre pays libre, où la richesse est équitable pour tout le monde. Et vive Ayotzinapa, et vive les pedregales dignes. Viva los pedregales dignos. Viva el pueblo unido. Jamás será vencido. El pueblo unido. Jamás será vencido. Y en nombre. Gracias. Y en Jamás será escuchado. El pueblo callado. Jamás será escuchado. Le peuple muet ne sera jamais écouté. Y seguimos también aquí, Et donc, on reste ici. Et on continue avec notre lutte et avec notre mot d'ordre. Ne payez pas l'électricité. Tarif social, demande nationale. La pierre, c'est elle qui parle, c'est elle qui donne les mots d'ordre. Et en présence de tout le monde, nous vous remettons cette merveilleuse pierre. C'est au nom de tout le monde ici, des Pedregales. Les normales rurales présentes dans les luttes populaires. Et non aux réformes criminelles, non à ces réformes. Nous sommes contre ces réformes qu'a fait le mauvais gouvernement. Peña dehors, Peña dehors. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Parce qu'ils les ont pris vivants, nous les voulons vivants. Gracias, gracias hermanos. Muchas gracias. Merci, merci frère. Merci beaucoup. Vivos se los llevaron. 7, 8, 9, jusqu'à 43. Justice. Justice. Justice. Justice. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Radio Zanzine vous a présenté Los Pedregales, un caillou dans la chaussure de Mexico, février 2015. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Escúchalo. Librando una guerra contra el olvido. Los años siguen pasando y seguimos en el camino. Aquí y seguimos en el camino. Allá, enciendo una vela por la esperanza. Y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza. Sí, un mar de luces avanza. Hoy, esta rebelión es del color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Sí, si la semilla se riega. Esta rebelión es del color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Sí, si la semilla se riega. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir. Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas caminando, se va construyendo la senda. La dignidad rebelde levanta la voz. Que no se excluya nadie más en ninguna nación. Desde BF al mundo entero exigimos respeto. Respeto para la gente y para sus derechos. Un mundo donde quepan muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que la unión está en la clave para vencer, yeah. No es demasiado tarde para entender que la unión está en la clave para vencer. Ya lo dice la sexta, en la unión está la clave, tú ya sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Invencibles, oh, yeah, oh. Invencibles. Gracias.